Aux achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, ben on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant que le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini change de nom maintenant. Ça va être annoncé jeudi soir lors d'un point de presse et deviendra les constructions de l'avenir, donc le commanditaire majeur sera cette entreprise qui est la propriété de l'homme d'affaires de Dolbeau-Mistassini, Jean-Marie Lamontagne. On va tenter d'ailleurs au cours des prochains jours de parler avec la direction du multiconcessionnaire pour en savoir davantage là-dessus. Hier, on a parlé avec Samuel Harvey qui a participé au dernier camp d'entraînement des recrues des Hurricanes de Caroline, et il se dit content de son expérience. Oui, Miguel Trois-Vières m'ont approché. Okay. Il y a plusieurs universités qui m'ont approché. Pour moi, je sentais que la place où je pouvais devenir un meilleur joueur de hockey, c'était au Nouveau-Brunswick, et je ne dis pas que j'avais pas pu devenir un meilleur joueur de hockey à quelque part d'autre, mais je pense que c'était la place vraiment optimale pour moi. Ils ont un staff d'entraîneurs incroyable. Ils ont un coach de gardien de but à temps plein là-bas. Chose qui n'est pas nécessairement courante dans le réseau universitaire. Donc pour moi, je trouvais que c'était important. Puis après ça, il y avait aussi l'opportunité de faire un bac en anglais. Pour moi, je pense que c'est important. Dans un deuxième temps, il ne sait pas si ça l'intéresse tant que ça de jouer dans la Ligue américaine de hockey ou d'avoir un essai dans la East Coast League. Dans un dernier temps, Samuel Harvey nous explique pourquoi avoir choisi une université du Nouveau-Brunswick plutôt qu'une université de McGill ou de l'université de Trois-Rivières. Oui, McGill et Trois-Rivières m'ont approché. Okay. Il y a plusieurs universités qui m'ont approché. Pour moi, je sentais que la place où je pouvais devenir un meilleur joueur de hockey, c'était au Nouveau-Brunswick, et je ne dis pas que j'avais pas pu devenir un meilleur joueur de hockey à quelque part d'autre, mais je pense que c'était la place vraiment optimale pour moi. Ils ont un staff d'entraîneurs incroyable, ils ont un coach de gardien de but à temps plein là-bas, chose qui n'est pas nécessairement courante dans le réseau universitaire, donc pour moi, je trouvais que c'était important. Puis après ça, il y avait aussi l'opportunité de faire un bac en anglais. Pour moi, je pense que c'est important. Et en terminant, il y avait un tournoi de golf qui s'est déroulé au cours des derniers jours. C'était un tournoi de golf qui nous faisait. C'était le championnat par trou. Ça s'est déroulé Et à noter que Dominique Caouet de Dolbeau-Mistassini a triomphé dans la classe 2B. Et aussi, Laurier Vincent de Chibougamau a réussi à remporter une victoire dans la classe A. Donc, ça s'est déroulé au cours des derniers jours. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Samuel Harvey. On a parlé avec David Simard également, qui nous parle du patinage de vitesse sur contre piste. Vous pouvez également écouter une entrevue que j'ai réalisée aussi avec Benoît Lavoie, où il commente l'arrivée possible de Lionel Messi dans la Ligue, dans la MLS. Le sport local et régional à danradiosport.com.